Psaume 35. Psaume de David. Éternel, plaide contre ceux qui plaident contre moi, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Prends le bouclier et l'écu, et lève-toi pour me secourir. Saisis la lance, et serre le passage au-devant de ceux qui me poursuivent, dis à mon âme, je suis ta délivrance. Que ceux qui cherchent mon âme, soient honteux et confus, et que ceux qui machinent mon mal, soient repoussés en arrière et rougissent. Qu'ils soient comme de la balle exposée au vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse çà et là. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont caché la fosse où est étendue leur raie, et sans cause ils ont creusé pour surprendre mon âme. Que la ruine dont ils ne savissent point lui advienne, et que son filet, qu'il a caché, le surprenne, et qu'il tombe en cette même ruine. Mais que mon âme s'égaie en l'Éternel, et se réjouisse en sa délivrance. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre l'affligé de la main de celui qui est plus fort que lui, l'affligé, dis-je, et le pauvre, de la main de celui qui le pille? Des témoins violents s'élèvent contre moi, on me redemande des choses dont je ne sais rien. Ils m'ont rendu le mal pour le bien, tâchant de m'ôter la vie. Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d'un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, ma prière retournait dans mon sein. J'ai agi comme si c'eût été mon intime ami, comme si c'eût été mon frère, j'allais courbé en habit de deuil, comme celui qui mènerait deuil pour sa mère. Mais quand j'ai chancelé, ils se réjouissaient et s'assemblaient, des gens de néant se sont assemblés contre moi, sans que j'en susse rien, ils ont ri à bouche ouverte, et n'ont point cessé. Avec les hypocrites d'entre les railleurs qui suivent les bonnes tables, et ils ont grincé les dents contre moi. Seigneur, combien de temps le verras-tu? Retire mon âme de leur tempête, mon unique d'entre les lionceaux. Je te célébrerai dans une grande assemblée, je te louerai parmi un grand peuple. Que ceux qui me sont ennemis sans sujet, ne se réjouissent point de moi, et que ceux qui me haïssent sans cause, ne m'insultent point par leurs regards. Car ils ne parlent point de paix, mais ils préméditent des choses pleines de fraude contre les pacifiques de la terre. Et ils ont ouvert leur bouche autant qu'ils ont pu contre moi, et ont dit, ah, ah, notre œil l'a vu. Ô Éternel, tu l'as vu, ne te tais point, Seigneur, ne t'éloigne point de moi. Réveille-toi, réveille-toi, dis-je, ô mon Dieu et mon Seigneur, pour me rendre justice, et pour soutenir ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi. Qu'ils ne disent point en leur cœur, ah, notre âme. Et qu'ils ne disent point, nous l'avons englouti. Que ceux qui se réjouissent de mon mal, soient honteux et rougissent tous ensemble, et que ceux qui s'élèvent contre moi, soient couverts de honte et de confusion. Mais que ceux qui sont affectionnés à ma justice, se réjouissent avec chants de triomphe, et s'égaient, et qu'ils disent incessamment, magnifié soit l'Éternel, qui s'affectionne à la paix de son serviteur. Alors ma langue s'entretiendra de ta justice, et de ta louange tout le jour.